moni ni moto soki elengi eleki il faut que longue beba rajabo rogishi chamoisi imana yuna balilo yezi singa bantu na goma Hervé de Lila imana yuna balilo kanga moibi ya susiezi ngai nazo luka mwena se defendre nazo kokatera javia kosu vinai nazo banga babere ngai moibi nakati ya moto akinyoni baati ya ngasu chagrin ezar mafungu bamekaka te mazoto ya moto Moise Katumbi Chapwe bayone nangi koma monoton bayer de pointe ya yo nangai koma babsense yo choisir vraiment aussi dissoudre na kati ya motema yo tiki te lemoi soki ezalaki nga moto nasalaki yo kanai nde olingaki okende funa nge ta mama olibleme kenga na eza kolo Mopao Transifas Matériel rechargé de calice Amouré comme yo boite y parido bandita Kiki amakor mi barigo bandez amindando Maracas, charlestan So contise pues yo veta na contra tu Kambure, na congas Tempo es un vandalista su te Azul banga banga balonche Y a pensé peu pas terminer la finaliste Soit qui atteint nos fragiles Prévention cause à la caboule des sauvetages Pour qu'on n'a crèche à l'eau Parachute cause à la gana mon éclairité Il y a des raïmans y a train L'idée qui est comme un calice à moi miracle L'accident y a l'ombre Soit me garder la vie sans un ignoyeux Nous pour atteindre au bagage Et puis qui s'accarne mon accident y a sauté Mwami Rajabu Rugisi Boss Grani Chato Izaki Lassi Kestio Temere Kof Peke Kaganek Bible Mwami Rajabu Banga Mwami Rajabu Banga Mwami Rajabu Banga Mwami Rajabu Banga Mwami Rajabu Banga Mwami Rajabu Banga Mwami Rajabu Banga Mwami Bah amortis ta couture, moi je suis à l'évolution, tu te sentiras en besoin d'attention. Zaina moi n'aime pas. Capable à co-réparer mon kit à l'autre, tu te donnes la foule. J'ai fait mon candy de Bruxelles. Ah, ça c'est l'histoire de ma mère, canana. Capable à co-réparer mon kit à l'autre. Corta, corta, yoranga, la ritma nova Varias manos de la comunidad va a trufe Oananga, le cuadra, na mimo, ni la cura Yo cadanza, ya vamos a far Libra, ya me van a posa y sin axe Jongla, ya está, o la va a fantasista Y tal en el saco, yo quiero el amor Verso a su Juiste, zaray Y dimo, mengue Yo solo la pona, coya, coca, que Ah, ouais Couvrons l'amour. L'essentiel sur Lucas, stabilité à l'autre. En se faisant des remarques, la concession réciproque, on a intérêt à couple. La liste, on y va. Naomi, Christolo, Kelly, Kosti, Akasa, Miguel, Kido Kitangonge. Why me Rajab? Yo me sani sana batona no, tele kuni sabagram. Or santé rangé de panakana oui. Première qualité Italie, mais le connu troisième qualité va chinois. Magistrat de Yoni, patience mouillée. A son bon, la zana est un canafer. Ce soudain est voulu mouillé. La zana accordeur et un canestre humano. Tu commandes un diapason universel. Mina de Souza. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne vaux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne vaux rien. Yaka, toi tu as l'idée. Yaka, on y va la vie. Sans toi, DJ Abdul, DJ Amaroula, DJ Oudi Premier, DJ Franck le meilleur, DJ Viris, DJ Ristel, Maître Billy Manois d'Ajoua, Chino Botoko, Linda Coxibel, Tazi Bello, Nana Kavira, DJ Miel, DJ Athanase, DJ Tarzan, DJ Pirogi, Petit Prince, Laurette Poutoumeria, Valeur, Sandra Kazadi.